Bon début de nuit tout le monde. Bienvenue sur les ondes de CKRL, le 89.1 à Québec. L'autoroute spéciale Radioton, Vincent Delisle, Jacques Dulac, Stéphane Villeneuve en votre compagnie. Bonsoir messieurs. Salut. Vous allez bien cette nuit un peu froide quand même pour la Radioton? Prêt? Oui, oui, quand même. C'est plate un peu parce qu'on a encore de la neige là, mais oui. On aurait pu s'en passer. Mais... On va essayer de faire fondre ça cette nuit avec le choix musical qu'on a, ça risque d'être assez incroyable. Oui. Et le choix musical, c'est les auditeurs et auditrices qui ont décidé ça, parce qu'on a mené un sondage sur la page Facebook de l'autoroute, et il s'agissait de situer les 45 meilleures tunes des années 60-70. Donc, même si on ne prend pas de demande spéciale ce soir, ça reste quand même le choix des auditeurs et des auditrices. Donc, ça va être pas mal de fun. Oui, puis on n'aura pas le temps de s'ennuyer parce qu'on en a pour plus de 7 heures de musique. Alors, on est là jusqu'à environ 7h30 demain matin, croyez-le ou non. Donc, soyez bien attentifs. C'était sûr que c'était pas évident de trouver une façon de vous faire jouer ça. Si on y allait dans l'ordre inverse, ben les meilleurs tunes auraient été très, très tôt demain matin. Alors, on a décidé d'y aller avec les grands gagnants en premier, à tout seigneur, tout honneur. Donc, exactement. Pour commencer, un choix qui a été assez unanime avec plus de 22 votes. Une pièce d'un grand qui est disparu pas si longtemps de ça, malheureusement, et qui a un peu marqué l'histoire de la musique. Et qui a à peu près 50 ans cette année en plus, la chanson. Donc, ça tombe assez pile poil, merci. On parle bien sûr de... Space Oddity. David Bowie. On écoute ça à l'instant au 89.1 spécial Radioton. Pour nous contacter, 88-640-1586-88-640-1586. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Check ignition and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door, and I'm floating in a most peculiar way, and the stars look very different today. Which way to go? Tell my wife I love her. I saw the photograph. He blew his mind out in a car. He didn't notice that the lights had changed. A crowd of people stood and stared. They'd seen his face before. Nobody was really sure if he was on the house of love. I saw a film today, oh boy. The English army had just won the war. A crowd of people turned away. But I just had to look. Having read the book, I'd love to turn you. And I went into a dream. Toujours à l'autoroute, en compagnie de Stéphane Villeneuve, Jacques Dulac et moi-même, Vincent Delisle. Gros début en Lyon, si on peut dire, de cette édition spéciale de l'autoroute avec d'abord David Bowie, Space Oddity. Et on vient juste d'entendre A Day in the Life, oui, des Beatles. Quel classique. Je pense que pour l'époque, ça a révolutionné vraiment l'histoire, la manière d'enregistrer et... de présenter les morceaux sur des albums. Et de construire les pièces, de construire les albums aussi. Oui. C'est Sgt. Pepper est considéré comme le premier album concept dans l'histoire de la musique. Puis, il mérite vraiment très bien sa place parce que c'est un album très solide quand même. Mm. Quand on le réécoute, parce qu'on y trouvait des faiblesses, on comparait souvent avec Revolver, puis Rubber Soul, puis d'autres albums qu'ils ont pu faire. Puis on se disait, il me semble que Rubber Soul est meilleur. Mais en le réécoutant, même la pièce avec Ringo Starr, pas Ringo Starr, George Harrison, la pièce hindoue With You. En la réécoutant, c'est une pièce qui a vraiment sa place sur l'album. Oui, c'était dans l'air du temps, c'est le cas de le dire. Et si vous avez la chance, allez vous procurer la version qui a été remasterisée l'année dernière par le fils de George Martin, Guys Martin. Ça sonne comme une tonne de briques, c'est capoté. Ça vaut vraiment la peine. Et mention spéciale à Ringo, j'écoutais son petit coup de drum là, dans A Day in the Life. Oui. Doum, doum, doum, doum, doum. C'est non, vraiment, là, c'est, on rit souvent de Ringo, on dit que c'était la partie négligeable des Beatles. Il est mauditement bon là-dessus. J'ai vu un documentaire il y a plusieurs années, peut-être de 20 ans. C'est Phil Collins qui raconte comment Ringo s'y prend. Il essaie d'expliquer. Il dit, un batteur sait pas de quelle manière s'y prendre pour aller chercher la pièce, pour aller vraiment l'approcher, pour être capable de la jouer. Il se demande comment est-ce qu'il a pu faire. Et Ringo lui-même se le demande probablement. Imagine Phil Collins dit ça. Effectivement. Donc, c'est édition Radioton. On est rendu à peu près, grosso merdo, 22 000 $ de ramassé. Oui, puis 21 833. Ah ben, tabarnouche, t'as meilleure mémoire que moi. C'est de la précision, merci. Puis le jeu fait 42 000 $ hein, fait qu'il faut se rendre à là okay. D'ici 7h30 demain matin. Exact. Donc, tu nous en mets sur les épaules pas mal. Oui, je vais regarder dans mes poches, là, mais je pense pas avoir amené ça. C'est le fun parce qu'il y a une ambiance qui est incroyable. Ici même, là, il est 23h20 puis il y avait encore plein de monde là, après la prestation de Fidel Fiasco. Fait que tout le monde est venu faire son tour à CKRL. Demain, journée encore porte ouverte, vous pouvez venir faire votre tour. Et évidemment, faire un don pour le Radioton. Ou ben non, vous achetez votre carte de membre également aussi. Ça peut être une option également. Et on vous invite à aller visiter le site web de CKRL au www.ckrl.qc.ca. Vous avez l'onglet sécurisé PayPal pour lequel vous pourrez soit faire un don ou encore vous procurer une carte de membre. Mais aussi sur la page d'accueil de CKRL, vous avez plusieurs lots qui sont à l'encan. Encan qui seront fermés progressivement demain soir dans l'émission de fermeture à compter de 18h. Et vous pourrez peut-être faire de belles trouvailles dans ces encans-là qui sont une belle source aussi de financement pour notre station. Et vos mots d'encouragement, vos messages sont aussi les bienvenus. 640-1586 dans le 88. Également l'adresse autoroute891@hotmail.com. Et notre groupe de plus en plus populaire sur Facebook que vous pouvez visiter et nous écrire. J'ai d'ailleurs mis, pour vous faire saliver un peu, les 45 pièces qui ont été choisies. L'ordre sera peut-être un petit peu modifié parce qu'on a des contraintes publicitaires, ce qui n'est pas nécessairement le cas généralement à l'autoroute. on doit un peu s'ajuster, comme on le fait en début d'émission, parce que la pièce qui avait terminé numéro 2 était Echoes de Pink Floyd, et c'était aussi un peu en lien avec Space Oddity, qui étaient les deux premières pièces, mais Echoes jouera tout de suite après les publicités. Soyez sans crainte, on ne l'a pas skippé. Au contraire. Non. Donc, on remercie à tout le monde sur la page Facebook de l'autoroute d'avoir participé à ce sondage. J'ai trouvé ça plaisant parce que le monde avait des idées, puis ils ont soit posté des chansons que ça leur tentait d'entendre. Il y avait des choses obscures, mais que malheureusement, on n'entendra pas. Non, c'est sûr. Il n'y a pas eu assez de votes parce qu'il faut dire qu'on a eu une soixantaine, 60, sur les 10, je pense. Une centaine. Une centaine. Oui, facilement. Donc, c'est sûr qu'il n'a pas fallu faire un choix parce que le choix s'est fait de lui-même, c'est selon ça. L'ordre. J'avais laissé aux gens jusqu'à dimanche dernier pour voter. Alors, lundi, je suis allé vérifier quel était le résultat final de ce sondage. Et par la suite, on a mis ça en ordre. Et ça concocte, je pense, une émission assez extraordinaire. Émission, évidemment, dans laquelle vous ne désirez pas trop nous entendre parler, vous désirez entendre la musique. Alors, soyez sans crainte. Hein, on vous explique le tout en début d'émission, mais plus ça va aller, plus la musique va parler, en espérant que vos dons, eux, continuent de rentrer en très grand nombre via le www.ckrl.qc.ca, l'onglet PayPal, 418-640-1586 également, si vous désirez nous contacter ici en studio. Partenaire majeur du Radioton de CKRL, la barberie est ancrée dans son milieu depuis 1997. Première entreprise coopérative microbrassicole au Québec, unissant le savoir-faire d'une équipe de passionnés de bière et l'engagement social. La Barberie, heureuse de s'associer à CKRL 89.1. Labarberie.com. Pour sa prochaine saison, l'Orchestre symphonique du Québec se met au service de la pop avec 4 concerts. Mais sais-tu vraiment qui tu es? Pierre Lapointe, l'enfant terrible de la chanson québécoise. La symphonie des jeux vidéo, un concert éclaté, interactif et multimédia. L'incontournable Hollywood 4 et ses musiques de films. Catherine Major avec son invité Ariane Moffat. Hydro-Québec, partenaire de saison. Chers auditeurs, André Drolet, votre député de Jean Lesage. Comme à chaque année, il me fait grand plaisir de prendre le micro pour appuyer CKRL dans le cadre de son Radio-Temps. Cette année, l'objectif est d'amasser 42 000 $ pour assurer une production de qualité et diversifiée. Radio de l'année au Gamic 2017 et 4 fois Radio communautaire de l'année au Rencontre de la Disque depuis 2010, Limoilou a une chance inouïe d'avoir un média de contenu local avec une si grande notoriété. CKRL est une tribune extraordinaire pour les artistes tant émergents qu'établis et un média de communication essentiel pour les résidents et commerçants du secteur. Alors, chers amis, en grand nombre, contribuez au succès du Radio-Temps de CKRL. Merci beaucoup à tous. Les éditions Michel Lafon, c'est un éventail de lectures pour tous, pour tous les goûts et pour toutes les passions. Biographies, romans, thrillers et bandes dessinées vous accompagnent au fil des saisons. Player One, de Ernest Cline. Nous sommes en 2045 et la Terre n'est pas belle à voir. Les ressources manquent et les conditions climatiques sont catastrophiques. Pour oublier la réalité, Wade Watts passe son temps dans l'Oasis, un monde virtuel où chacun peut faire et être tout ce qui lui chante. James Halliday, le créateur de l'Oasis, est mort quelques années auparavant sans laisser de successeur. Pour décider du sort de sa fortune, il a créé une véritable chasse au trésor qui guidera les plus rusés vers l'énigme finale. Player One, magnifiquement adapté au cinéma par Steven Spielberg, est un extraordinaire roman fantasy geek, un mémoire sur la culture des années 80 et une réflexion sur notre futur. Les éditions Michel Lafon, un large éventail de lectures pour tous, pour tous les goûts, pour toutes les passions. Suivez notre encan du Radioton sur ckrl.qc.ca. Téléphonez au 418-640-2575 et misez à votre tour. La librairie Pantoute vous offre le lot numéro 80, qui est un certificat cadeau d'une valeur de 100 $ en mise de départ 50 $. Le lot numéro 81, Woodstock en Beauce, un forfait de 4 jours pour 2 personnes pour le Festival 2018 et ça inclut un terrain de camping 20 par 20 d'une valeur marchande de 120 $ la mise de départ et de 60 $. Le lot numéro 82 vous est offert par Chicho Café, un souper avec Paul-André Cassidy au Chicho Café. 3 personnes, incluant Paul-André, d'une valeur marchande de 250 $ en mise de départ 125 $. Le Grand Cru vous offre le lot numéro 83, qui est un véritable champagne de la maison Baron de Rothschild, dans une valeur de 80 $ laissé en mise de départ 40 $ uniquement. Le lot numéro 84 vous est offert par l'Atelier et Ophélia, qui vous offre une boîte cadeau d'une valeur de 200 $ qui comprend des certificats cadeaux de l'Atelier et d'Ophélia, le livre de mixologie de Patrice Plante, ainsi qu'une bouteille de gin de l'Atelier. Donc, tout ça a une valeur de 200 $ c'est laissé en mise de départ à 100 $ seulement. Et le lot numéro 85 de la brasserie d'Inox, un certificat cadeau d'une valeur de 100 $ en mise de départ 50 $. Faites un don en composant le 418-640-2575 ou en ligne sur ckrl.qc.ca et cliquez sur le bouton PayPal. C'est le moyen le plus sécuritaire et le plus simple d'encourager votre radio. La Fabrique culturelle et Télé-Québec sont fiers de soutenir CKRL et ses artisans en vous présentant cette journée du Radiothon. Télé-Québec innove et ose constamment en proposant de nouveaux talents, de nouvelles formes audiovisuelles, de nouvelles stratégies de diffusion et une contre-programmation intelligente comme des documentaires et des séries documentaires en heure de grande écoute. À découvrir sur La Fabrique culturelle. Un artiste a une vision et là, les deux dames doivent vraiment marier les deux visions pour qu'on ait l'impression, nous, en tant que spectateurs, qu'il y a une seule conceptrice. La scénographie, c'est quoi? Incursion dans les coulisses du Conservatoire d'art dramatique de Québec. La scénographie, c'est vraiment tout ce qui est visuel pour traduire le texte, la mise en scène et le personnage que le comédien va jouer. Tous les talents d'ici, une seule adresse, lafabriqueculturelle.tv.

waiting and inciting me to rise. And through the window in the wall comes streaming in on sunlight wings a million bright ambassadors of morning. And no one seems beloved by no one makes me close my eyes. So I throw the windows wide and call to you across the sky. On essaie de vous faire voyager avant même que l'autoroute soit officiellement commencée, croyez-le ou non, pour ce spécial 45 pièces marquantes de l'émission pour souligner les 45 ans de CKRL, Pink Floyd, Echoes, un incontournable. Tout à fait. Et hors d'onde, on en parlait le 22 novembre 1971. 10, c'est moi qui étais dans l'erreur, 10. La première date. OK. Et Pink Floyd était... à Québec pour au Pavillon de la Jeunesse et avait interprété cette chanson-là, Pièce Fleuve, s'il en est. Et le bootleg existe. Je pense que toi-même, Stéphane, tu l'as déjà fait jouer ici à l'autoroute. Oui, à quelques reprises. Je fais souvent jouer des pièces. La qualité sonore est quand même surprenante pour l'époque. Et certaines légendes urbaines font mention de quelqu'un de très connu dans le milieu qui aurait procédé à cet enregistrement-là. Je ne sais pas si on doit le nommer. On peut, je crois. Là. À moins qu'il nous poursuive, ça me surprendrait. Ça fait pas encore 50 ans. temps, il peut peut-être encore avoir des droits là-dessus. Pink Floyd sont parfois un peu pointilleux, on sait jamais. Ouais, mais on peut le dire, c'est Michel Bilodeau, notre confrère de Terra Incognita, qui aurait enregistré ce spectacle le 10 novembre 1971. Moi, j'avais 11 ans. Je vous compterai pas de pipe. Moi, on me laissait pas aller voir des show rock quand j'avais 11 ans. Puis je pense qu'il n'y a pas personne. C'est malheureux. Seuls ceux qui sont à l'écoute, les vieux freaks, très probablement qu'ils pourraient nous en raconter des bonnes sur ce qui s'est passé ce soir-là et sur les substances, pour le moins lysergiques qui circulaient dans l'assistance. Ça devait être assez enfumé comme ambiance, mettons. Et Jacques me faisait remarquer quelque chose. Il existe un clip avec la musique de Icos. Icos, oui, avec 2001 Odyssée de l'espace. Ce serait la scène finale. Je ne l'ai pas vu. J'avais déjà vu celui avec Dark Side of the Moon et Magicien d'Oz aussi. Mm-hmm. Mais à un certain endroit dans le film, on part quand il y a un genre de... on dirait un submersible qu'on entend quand il y a le début de la pièce. Oui. On part le film à un certain endroit, puis tout match ensemble, à ce qui paraît. Le principe de synchronicité. Oui. Tout à fait. Et parlant de synchronicité, ben on est en plein Radioton. On a atteint presque 22 000 $. L'objectif, c'est 42 000. Évidemment, on attend vos dons, soit ici au 405 3e Avenue, à Limoilou, ou au téléphone au 418-640-1586. Et on remercie beaucoup Dominique qui nous a contactés pour nous faire un merveilleux... se procurer sa carte de membre de CKRL, okay. Membre depuis fort longtemps, qui désirait participer de façon incroyable à ce Radioton. Alors, gros merci à toi, Dominique, pour ta contribution. Merci beaucoup. Alors, il nous en reste pour quelques heures. Restez des autres. On vous revient dans quelques minutes pour la suite de ce spécial 45e anniversaire. La Fabrique culturelle et Télé-Québec vous ont présenté cette journée du Radioton de CKRL. Télé-Québec tient à souligner le travail des concepteurs, réalisateurs et animateurs de CKRL, l'alternative radiophonique à Québec. Rendez-vous demain pour une autre aventure. La Fabrique culturelle et Télé-Québec vous ont présenté cette journée du Radioton de CKRL. Télé-Québec tient à souligner le travail des concepteurs, réalisateurs et animateurs de CKRL, l'alternative radiophonique à Québec. Rendez-vous demain pour une autre aventure. Partenaire majeur du Radioton de CKRL, Audiolite est le spécialiste incontesté de la haute fidélité à Québec depuis 50 ans déjà. Des conseillers compétents et passionnés sauront faire de votre visite une expérience d'achat hors du commun. Service après-vente exemplaire et prix compétitif. Audiolite.qc.ca. Cette année, le Radioton de CKRL vous sera présenté grâce aux partenaires gouvernementaux suivants. Le ministre de la Capitale-Nationale, ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, député de Jean Talon, Sébastien Proulx. La ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la protection et de la promotion de la langue française, députée de Crémazie, Marie Montpetit. Le ministre de l'Emploi et de Solidarité sociale, député de Charlebourg, François Blais. La députée de Taschereau, Agnès Maltais. Le député de Jean Lesage, André Drolet. Le député fédéral de Beauport, Limoilou, Alupa Clark. Et le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, député fédéral de Québec, Jean-Yves Duclos. Salut, c'est Paul-André Cassidy. Je serai à l'émission de fermeture ce dimanche et d'ici là, soyez généreux. Bonjour, ici Patrick White, éditeur et rédacteur en chef du HuffPost Québec. Je vous encourage à être généreux et généreuse toute la fin de semaine pour le Radioton de CKRL 89.1 à Québec. Devenir acteur, musicien, compositeur, scénographe, metteur en scène? Tu cherches une grande école où enseignent des musiciens et des comédiens renommés? Viens faire ton conservatoire.

Season will pass and by, mais CKRL sera toujours là. Close to the Edge de Yes, c'est un incontournable, ça c'est assez clair. Et Stéphane Ordon nous racontait tantôt qu'il y avait eu une espèce de sondage il y a plusieurs années pour savoir la chanson préférée des auditeurs de l'autoroute. Et Close to the Edge avait terminé premier. Ça m'aurait surpris que personne n'aurait voté pour ce classique, ma foi du bon Dieu, de la musique progressive. Vous êtes toujours, bien entendu, à l'autoroute en compagnie de Stéphane Villeneuve, Jacques Dulac et moi-même, Vincent Delille. Le téléphone a sonné plusieurs fois. Il y a Manon Jobin qui serait intéressée à venir co-animer avec nous autres une bonne fois. Et Elle serait même prête à nous offrir 75$. En fait, les deux. Ben oui. 75$ pour avoir le plaisir de venir nous côtoyer lors d'une émission de l'autoroute. Et également, un autre auditeur qui a téléphoné. Lui, c'est un don de 40$ qu'il a fait. C'est John... Jim Breen, c'est ça, John Jim Breen, qui est un ancien bénévole de CKRL dans le temps 1975. Oui, c'est ça qui me disait aussi qu'en 1975, il était ici comme animateur à la station. Un peu jeune pour ma part pour l'avoir entendu, mais peut-être toi, Vincent. Ouais, ben il y en avait beaucoup à l'époque, faut bien avouer. Mais ça prouve une chose, c'est que les gens qui écoutent cette station-ci, ben ils restent attachés longtemps. Et ça trompe pas. C'est un signe qui est pas mal évident. Les gens s'attachent à cette station. Puis le meilleur moyen, ben, évidemment, c'est de participer en ce Radioton en faisant un don, évidemment. Puis l'objectif, c'est 42 000 $ d'ici demain soir. On est déjà à mi-chemin, ça fait que c'est bon. Il n'en reste pas beaucoup. Mm-hmm. Mais quand même, on vous encourage fortement à nous encourager. Ça fait, oui, une belle phrase. Et le numéro de téléphone est le 640-CKRL, 640-2575 dans les 88. Autoroute891@hotmail.com. Vous pouvez également joindre le groupe Facebook de l'autoroute. Vous pourrez nous voir live en plus pendant quelques minutes. Ça vous donnera une petite idée de qui nous sommes et de pourquoi on est là. Et de l'ambiance qu'il y a en studio. Exactement. Ce soir, 45 pièces pour vous. Et juste pour vous dire, le top 10 jusqu'à maintenant, on est rendu à la quatrième pièce. Il y a eu David Bowie, Pink Floyd, les Beatles, Yes. Ce qui s'en vient pour les numéros 5 à 10, King Crimson, Gentle Giant, Jethro Tull, Genesis, Deep Purple et Led Zeppelin. Méchant top 10, hein? Que du solide. Oui, vraiment. Nos auditeurs ont très, très bien choisi. On est là jusqu'à très tard, ben, je devrais dire très tôt demain matin pour vous faire jouer ces 45 pièces. Il y en a quand même plusieurs très, très longues et c'est un peu pour ça qu'on va réduire le temps de nos interventions plus la nuit va avancer si on veut évidemment vous faire jouer toutes ces chansons-là. Pièce merveilleuse qui devait se retrouver à la base sur l'album du même nom et qui finalement s'est retrouvée sur l'album d'après, l'album Red de King Crimson. Robert Fripp ne la trouvait pas à point au moment de la sortie de Starless and Bible Black. Donc, ils ont décidé de la retravailler et ils l'ont mis finalement sur l'album suivant, l'album Red. Et ça reste, je pense, une de leurs pièces les plus populaires pour les amateurs du King Crimson des années 70. C'est un incontournable. On parle bien entendu de Starless, qui est une composition de John Wetton. Oui, un soir qu'il était à New York, ciel, oui. Il ne voyait pas les étoiles, puis il y avait une Bible, il était dans une chambre d'hôtel, il y avait une Bible, et il ne voyait pas les étoiles, alors ça lui a inspiré les paroles de la pièce Starless. Donc, on écoute à l'instant à CKRL 89.1. sundown, dazzling day, go through my eyes, but my eyes turn within, only see stars. We'll be right back.

Could you see in me all you want me to be? Now, on reflection, what shall I do? Change my ways for you all around, all around, all around, all around, all around, all around, all around, all around. I'm my sympathies with you, but I never lie to you. All in all, it seems it's just an experience. Placed my cards on the table, told of everything I was able. Understanding still, not anything different. Still, I know the start to leave the brush. Start again. Shared in our ways were changing my life, taking your place in my life, and our time drifting away. Oh, remember the good things, how can you forget all the years that we shared in our ways? Things were changing my life, in my life, and our time drifting away. Look back is not your game. Together just in name. I'll remember the good things. How can you forget all the years that we shared in our way? Changing my life, taking your place in my life, and our time drifting away. I'll remember the good things. How can you forget all the years that we shared in our way? Things were changing my life, taking your place in my life. Thank you.

spécial Radioton. Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission L'Autoroute. Les 45 pièces les plus appréciées des auditeurs, selon un petit sondage que l'on avait mené sur le groupe Facebook. Et après pratiquement plus de 2 heures d'émission, incroyable, mais vrai, on vient de vous jouer la 7e des 45 pièces. Alors, on souhaite tout faire jouer dans la nuit. On n'est pas certain qu'on va y arriver. Au pire, on continuera la semaine prochaine. On a terminé avec Take As A Break de Jethro Tull. Jethro qui sera au Festival d'été. Stéphane, Jacques, est-ce que vous y serez? Moi, j'y serai pas. J'y vais plus au Festival d'été pour la raison qu'il y a beaucoup trop de monde, c'est rendu trop gros. OK. J'y serai. Au pigeonnier, c'est toujours un peu plus agréable en général. Ouais. Mais c'est sûr que, comme je te racontais, il y a 20 ans, j'ai vu leur tournée 30e anniversaire au Grand Théâtre. Tournée qui a fait que je suis probablement un peu plus sourd dans ma vie aujourd'hui. Et ça a été probablement la seule fois aussi que j'ai vu des gens fumer du hash au Grand Théâtre. Là. Ça a été assez impressionnant quand même de voir ça. Mais je pense que les deux premières rangées en avant, c'était le chapitre de Québec des Hells Angels au complet, qui était... Mais c'était fort, mais c'était tellement bon. Martin Bar m'avait impressionné à la guitare, vraiment, et Ian Anderson, évidemment. La flûte, la voix, c'était déjà un peu difficile il y a 20 ans, et ça s'est pas amélioré, semble-t-il. Roger Waters, il y a 20 ans, c'était difficile, puis on dirait qu'avec les années, il a réussi à trouver un deuxième souffle, mais Ian Anderson, pour la flûte, je pense qu'il n'y a aucun problème. Pour la voix, il ne faut pas toujours s'attendre à ce qu'on entend sur disque. En tout cas, on devrait quand même avoir des belles surprises en spectacle. Oui, vraiment. Puis je pense que ça va être une soirée avec plein d'amateurs de prog qui vont mettre de l'ambiance dans la boîte, comme qu'ils diraient. Tout juste avant, Gentle Giant avec la pièce On Reflection. C'est sur The Missing Piece, si je me répète bien. Non. C'est Free Anne. Free Anne, c'est vrai, oui. C'est ce que je pensais. Et on avait commencé ce bloc avec la pièce numéro 5 sur 45, Starless de King Crimson. Personnellement, ma chanson préférée dans toute l'histoire de la musique progressive, Starless, vraiment du grand art. Et donc, évidemment, c'est le Radioton et vous êtes en compagnie de Stéphane Villeneuve, Jacques Dulac et moi-même, Vincent Delisle. Et... téléphone a sonné plusieurs fois depuis le début de l'émission, si vous voulez faire des dons. Ouais, là, ça fait un petit bout que c'est tranquille. Ça vaudrait la peine de faire un rappel des troupes, comme 4, on dit. 88-640-CKRL 640-25-75 carte de membre à $25 pour une durée d'un an ou un don selon ce que vous pouvez nous offrir ce soir si vous appréciez ce spécial, entre autres, qui va être là jusqu'à 7h30 ce matin et par la suite le Radioton qui se poursuit jusqu'à environ 22h dimanche soir. Objectif de $42,000. Yes. On approche le 22,000. Oui, tout à fait. On a pris ce soir, mettons. Alors, il nous reste encore 20,000 à aller chercher le 17h30 le même matin. Alors je vous invite fortement à être très généreux. Il y a peut-être un mécène qui sait qui nous écoute. Peut-être que quelque part sur Internet, il y a David Gilmour qui est à l'antenne et que pour lui, $20,000, c'est une pinette, finalement. C'est ça, donc... Il y a juste à aller sur ckrl.qc.ca, onglet PayPal, pour faire le don ou vous procurer la carte de membre. Exactement. Et là, pour les positions 8, 9, 10, incroyable de savoir qu'on est juste rendu là. C'est pas piqué des verres non plus, je vous dirais. C'est trois grands. Classique, Genesis, Deep Purple, Led Zeppelin. Ça a-tu besoin d'autres présentations? Du tout. On écoute ça à l'instant même. C'est CKRL 89.1 à Québec. C'est l'autoroute spéciale Radioton. Juliet clears her morning mist.

don't belong here, said old Tesserard loud. Easy love, there's the safe way home, thankful for her fine fair discount. Tess cooperates. Still alone in our hello, see the deadly nightshade grow. Thank you. not been here. Life lying there. You'd better close your eyes. I'll bow your head. Wait for the witch. Thank you. It's a feeling I get when I look to the west, and my spirit is crying for leaving. In my thoughts I have seen rings of smoke through the trees, and the voices of those who stand looking. Soon, if we all call the tune, then the piper will lead us to reason, and a new day will dawn for those who stand long, and the forests will echo with laughter. Thank you. incontournable, inoxydable, incassable, ce hit de Led Zeppelin, ça a marqué vraiment le rock des années 70 et le rock tout court. Oui. On en parlait un petit peu hors d'onde. Évidemment, c'est une chanson qui est tellement jouée qu'elle est peut-être un peu calcinée par moment. Oui, on parlait du Club des 1000 à une certaine époque. Là, je pense qu'on peut faire le Club des 100 000, rendu presque 50 ans plus tard. Oui, tout à fait. Mais le fait est que c'est efficace, c'est redoutablement efficace. Une des compositions de Jimmy Page, je pense que c'est dans ce qu'il a fait de meilleur. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Ça reste l'hymne national du rock and roll. Ça aura un petit côté mythique, cette chanson. Là, puis mettons que je suis pas vraiment étonné que ça soit retrouvé dans notre top 45. On voit que cette pièce-là, que Page était un excellent guitariste acoustique. Oui. Il l'a prouvé sur plusieurs albums, mais spécialement dans cette pièce-là, vraiment particulière. C'était peut-être sa force, justement, de savoir combiner un petit peu le côté de la folk music, parce que c'est très médiéval, la structure, ça vient directement des ballades, des baladins du Moyen-Âge. Oui. C'est une composition à tiroir, un peu. Mais ce gars-là a piqué d'un côté puis de l'autre à des musiciens. Au moins 10-15 chansons là, qui sont vraiment... Ben, juste « All Out of Love », qui est piqué vraiment d'une pièce de Willie Dixon, I Need Love. Mais les gars, il n'y a pas juste Page là-dedans, là. Plant aussi embarqué dans le game. Mm-hmm. Il disait qu'il reprenait des pièces, mais il les revirait un peu à leur manière. Ça donnait une nouvelle pièce. Mm-hmm. Mais à quelque part, c'était piqué. Mais en même temps, c'était du recyclage de génie. On s'entend là-dessus. Ouais. Et parlant de recyclage, là, c'est drôle parce que tu me fais le lien, puis j'ai comme eu l'idée entre les deux. Mais la pièce, tout juste avant, de Deep Purple, Child in Time, en quelque sorte, c'est du recyclage. Aussi, également, parce que en 68, It's a Beautiful Day avait sorti la chanson Bombay Calling. Et la structure de Child in Time, au début, en tout cas, le temps. Ça vient directement de là. Justement. Juste pour donner une idée aux auditeurs. Mais ça, même, je pense, Bombay Calling, ça vient d'une vieille chanson. Ça, c'était un vieux traditionnel. Donc, ils n'ont pas tant piqué que ça. Non. C'est qu'ils sont vraiment arrivés en même temps, ou presque. Mm-hmm. Puis, ils ont transformé ça. Mm. C'est parce que quand tu écoutes ça... C'est assez évident, bon, on s'entend. Mais ils en ont fait. Deep Purple en a fait quelque chose. Il est arrivé la même chose avec Black Knight. Oui, c'est vrai. Qui était. Une tonne de Blue Magoose. Blue Magoose. You c'est ain't ça. Seen in nothing yet. You got in nothing yet. Et juste avant Deep Purple, on avait. Genesis de Cinema Show. De Selling England by the Pound, je pense que c'est comme l'album classique de Genesis. Et j'ai été un peu surpris, je me serais peut-être plus entendu à Fifth or Fifth plutôt, ou Dancing with the Moonlit Night, ou encore à Carpet Crawler de Genesis. C'est vrai. Mais non, Cinema Show qui est ressorti de notre sondage avec plus près d'une quinzaine de votes quand même. Vox Populi, Vox Dei. Exactement. Et parlant de vous exprimer, donc DI, nous sommes en plein Radioton et évidemment nous attendons vos dons. Pour ce faire, tout simplement, vous pouvez appeler au 640-2575, 640-CKRL, et également aussi l'onglet PayPal sur ckrl.qc.ca. Objectif 42 000 $. On est rendu à presque 22 000. On sait qu'on va se rendre. Et c'est pour ça qu'on est là cette nuit, Maître Villeneuve, Maître Dulac et moi-même. Avec un gros décès, là, on a le top 10 de fait en presque 3 heures d'émission. Ouais. Alors, on va espérer en passer 35 autres dans les 5 prochaines heures. J'ai posté d'ailleurs sur le groupe de l'autoroute le playlist de l'émission prévue. Mm-hmm. Et ça a suscité quand même quelques commentaires assez intéressants. Et là, on va se remémorer. C'est plate. J'aurais aimé ça que cette pièce-là joue à 1 heure pile. Ça aurait été drôle, mais ça n'a pas donné finalement. Et la prochaine a une signification très particulière pour l'émission L'Autoroute. C'est le thème vintage de l'émission L'Autoroute. À nouveau des Purple. Mais là, ça, c'est pas du recyclage, par contre. Non, du tout. c'est nous qui a recyclé ce soir. Non pas en thème, mais pour vous la faire jouer. Et ça. quand j'ai connu l'autoroute, je devais avoir une quinzaine d'années. C'était déjà le thème de l'émission à ce moment-là, puis on tripait tellement sur le début de cette pièce-là. C'est, à l'époque de messieurs Frisco et des grands maisons, ça ne rajeunit pas personne. Hein? Oh que non. On l'écoute Lazy à CKRL. J'ai juste entendre le début, là. C'est comme ça nous amenait dans une transe à l'époque. Quel beau thème quand même. Un peu long, mais quel beau thème. Roulez-vous en gros à notre santé et fumez-le.